Ici Jacques Beauchamp, aujourd'hui l'histoire Winston Churchill, l'homme de la victoire. Il a fait beaucoup durant la guerre pour les alliés, pour monter le moral dans la terre. Je prétends que c'est un des plus grands hommes que nous avons eus depuis le dernier siècle. Churchill, c'est l'homme du siècle, à mon opinion. Durant la guerre, j'avais l'âge à peu près de 13-14 ans, et puis Churchill a sauvé le monde, quoi. Quelques commentaires recueillis dans les rues de Montréal à la mort de Winston Churchill en janvier 1965. L'homme du siècle, celui qui a sauvé le monde, disent deux des badauds interviewés lors de ce micro-trottoir. Winston Churchill est assurément l'une des figures les plus marquantes du 20e siècle et son rôle au cours de la Deuxième Guerre mondiale a été déterminant. Churchill s'est levé de la victoire, mais c'est aussi la clairvoyance précoce de celui qui avait compris ce que préparait Hitler au moment où une bonne partie de l'Europe préférait plutôt fermer les yeux face à l'horreur qui s'annonçait. C'était quelques instants avant midi, et quand cette musique de pompe et de circonstance s'est élevée aujourd'hui dans l'immense salle gothique du Westminster Hall, au bord de la Tamise. Une vieille salle, aujourd'hui rattachée à l'ensemble massif et gris des maisons du Parlement. Ces maisons qui, avec l'abbaye tout à côté, sont le cœur bien des fois centenaire et toujours vigoureux de la vie britannique. Sous les ogives de ce hall, et qui a vu les festins des rois Plantagenet, et où l'on expose encore tous les souverains défunts, jamais jusqu'à ce jour, l'anniversaire d'un individu n'avait été célébré. À l'homme sans précédent, on a fait un honneur qui l'est également. 2500 personnes, députés, lords, hauts dignitaires, se sont entassés en gradins. Et tout à coup, la musique s'est éteinte. Le petit homme, rose et trapu, de son pas à la fois rapide et lourd, fait son entrée au milieu des acclamations. Et c'est M. Clément Attlee, le leader travailliste, le chef de l'opposition, qui souligne l'unité émue qu'on a faite aujourd'hui autour du vieux lutteur en se faisant le porte-parole de tous les lords et députés des deux chambres de Londres. It is not for me this morning to recount in detail your career. It is enough to say. Je n'ai pas, dit M. Attlee, à raconter en détail votre carrière ce matin. Je viens, ajoute-t-il comme dans Shakespeare, non pas pour abattre César, mais pour l'exalter. César, en vérité, puisque non content de faire la guerre, vous en avez, vous aussi, écrit vos propres commentaires. Et le chef de l'opposition évoque rapidement cette vie incroyable d'un homme qui était déjà historique à la fin de la Première Guerre mondiale, qu'on traitait d'homme fini en 1922 quand il perdit son siège de député, et qui devait pourtant fournir encore toute cette carrière immense que le monde entier admire aujourd'hui. Le journaliste et futur premier ministre du Québec, René Lévesque, à Londres, en novembre 1954, à l'occasion de la cérémonie soulignant le 80e anniversaire de Winston Churchill, on comprend bien, en écoutant ce compte-rendu, la démesure du personnage Churchill. Pour nous en parler, pour nous raconter le Churchill de la victoire, l'historien André Champagne. André, bonjour. Bonjour, Jacques Beauchamp. La carrière de Churchill, est-ce qu'on peut dire que elle a été d'abord très, très longue? Est-ce qu'on peut dire que la renaissance politique de Churchill correspond à cette date, le 10 mai 1940. Oui, tout à fait, parce que Churchill, en 1939, la classe politique britannique prétendait que c'était un homme fini. Bon, la guerre commence le 3 septembre 1939. C'est Neville Chamberlain qui est premier ministre. Chamberlain s'est discrédité avec la politique d'apaisement des concessions faites à Hitler. Et la Pologne est envahie. On entre dans ce qu'on appelle la drôle de guerre. En avril 1940, l'Allemagne s'empare de la Norvège et du Danemark. Et il y a une révolte chez les députés conservateurs. Il y a une révolte chez les travaillistes. On demande tout simplement à Neville Chamberlain de quitter le poste de premier ministre. Et là, à ce moment-là, la classe politique britannique a deux choix. Soit le ministre des Affaires étrangères, Lord Halifax, ou Winston Churchill. Halifax a la sagesse de reconnaître qu'il n'est pas l'homme qu'il faut pour diriger l'Angleterre en guerre. l'Angleterre en guerre a besoin de qui? De Winston Churchill. Et Winston Churchill, le 10 mai 1940, le jour même où l'offensive allemande sur le front ouest commence, le 10 mai 1940, l'Allemagne envahit simultanément les Pays-Bas, la Belgique et la France, Churchill devient premier ministre. Ouais. Et ce soir-là, il va écrire le commentaire suivant. « Lorsque j'allais me coucher vers 3 heures du matin, je ressentis un soulagement profond. J'avais enfin le pouvoir de donner des directives dans tous les domaines. J'avais l'impression de ne faire qu'un avec le destin et il me semblait que toute ma vie passée n'avait été qu'une préparation à cette heure et à cette épreuve. » Oui. 10 mai 1940, il devient premier ministre. La France est envahie par les troupes allemandes. Et c'est le début de cette... cohabitation Churchill-De Gaulle. Il y aura les appels en fait, général De Gaulle. Du 18 juin. Voilà. Parlez-moi de ça, de leur rapport, du rapport de Churchill et de Gaulle. Ben, c'est qu'au départ, ça se passe relativement bien. Pourquoi? Parce que, évidemment, face à l'effondrement français, face à la décision du maréchal Pétain de ne pas tenter de continuer la guerre à partir de l'Afrique du Nord, à partir de l'Empire colonial français, Churchill voit qui? Il voit ce jeune général de division blindée, Charles de Gaulle, qui, lui, n'accepte pas la défaite. Lui croit que, oui, la France est vaincue, mais qu'éventuellement, la Grande-Bretagne et surtout les États-Unis formeront une grande coalition. Alors, il décide tout simplement de se rendre à Londres et d'inviter tous les Français qui veulent continuer l'effort de guerre à se joindre à son effort. Au départ, ça se passe relativement bien, mais étant donné que De Gaulle est un peu diva, que De Gaulle considère la France comme si rien ne s'était passé, comme si la France était toujours une grande puissance, ça irrite passablement Churchill. Et surtout, ça se complique à partir du 7 décembre 1941, quand le Japon agresse les États-Unis et que les États-Unis entrent dans le conflit. À partir du moment où Roosevelt entre dans l'équation, c'est clair que, étant donné que Roosevelt n'aime pas du tout De Gaulle, c'est clair que Churchill fait le choix de s'entendre avec Roosevelt et met un peu de côté le général De Gaulle. Et ce qui va devenir un irritant pour De Gaulle, c'est que pour certaines décisions importantes, il ne sera pas consulté. Mm-hmm. Et on n'a pas le temps de rentrer dans les détails, mais c'est sûr qu'une collaboration qui avait bien commencé va finir se compliquer. Les appels de Gaulle, on les connaît. Hein, la parole de Gaulle sera importante par les voix des ondes radio. C'est un homme de parole, c'est un homme de communication. Churchill l'est aussi. On écoute justement Churchill qui s'adresse aux Français en octobre 1940. Français, c'est moi, Churchill, qui vous parle. Pendant plus de 30 ans, dans la paix comme dans la guerre, j'ai marché avec vous et je marche encore avec vous aujourd'hui sur la vieille route. Cette nuit, je m'adresse à vous dans tous vos foyers, partout où le sort vous a conduit. Et je répète la prière qui entourait vos louis d'or. Dieu protège la France. Ici, chez nous, en Angleterre, nous n'oublions jamais quel lien et quelle attache nous unissent à la France. Alors, André Champagne, quelle sera l'importance de ces messages de Churchill aux Français? On connaît encore une fois très bien ceux de De Gaulle, moins peut-être ceux de Churchill, mais qu'est-ce qu'il veut leur dire et quelle importance ça aura? C'est que l'occupation ne fera qu'un temps, que tôt ou tard, la grande coalition avec les États-Unis et avec la Russie soviétique fera en sorte qu'on pourra entreprendre la libération du continent européen. Mais pour Churchill, c'est sûr que depuis 1914, la France et le destin de la France et de la Grande-Bretagne sont intimement liés. Dans le cas de Churchill, ce qu'il faut expliquer également, c'est que Churchill, c'est un grand francophile. Churchill, c'est un homme qui, toute sa vie, a souffert de crises de mélancolie, de dépression. Il appelait ça son black dog. Et pour surmonter ces crises de mélancolie, ce qui lui faisait un bien énorme, c'était d'aller passer du temps au bord de la Méditerranée ou en Provence. Donc, la Méditerranée et le soleil de la Provence lui faisaient un bien énorme. Et on estime que quand on ajoute tous les séjours qu'il a passé en France durant sa vie, c'est comme s'il avait passé 4 ans de sa vie en France. Et il a toujours été un grand francophile. Bon, Churchill va parler aux Français, André Champagne, mais il va aussi parler aux Anglais dès son arrivée et avec beaucoup d'éloquence. Il est dans l'émotion. Il est dans l'émotion et tous les historiens reconnaissent que les discours qu'il a prononcés à l'été de 1940 ont été marquants et ont probablement fait en sorte que le peuple anglais ne s'est pas résigné à la défaite. Il a incarné la volonté de combattre et de poursuivre la guerre malgré l'effondrement militaire français de juin 1940, malgré la bataille d'Angleterre, malgré le blitz quand les bombardiers allemands bombardaient les villes britanniques. Donc, il a incarné l'esprit de résistance et il a communiqué sa volonté de poursuivre la guerre à toute la population britannique. Mm-hmm. Et c'est ce qui fait la grandeur du personnage Churchill. C'est 1940. À partir du moment où il devient premier ministre jusqu'au début 1941... Quand les bombardements diminuent d'intensité, il a vraiment, vraiment su soutenir le moral du peuple britannique. Et Kennedy va dire de lui, il mobilise, je le cite, il mobilise la langue anglaise pour l'envoyer au combat. Oui. Pourquoi? Parce que quand on écoute ces discours-là, quand on les relit, moi, je frémis pratiquement. Ouais. Il y a quelque chose, il transmet une espèce d'émotion. C'est des discours je crois qu'on va les écouter encore dans deux siècles. Mm-hmm. Le programme, c'est clair, on est en guerre, il faut faire la guerre. Sa stratégie, qu'est-ce qu'il veut? Est-ce qu'il sait très bien ce qu'il veut à ce moment-là? Oui, sa stratégie est relativement simple. Il est convaincu que tôt ou tard, les États-Unis entreront dans le conflit. Il est convaincu également que tôt ou tard, l'Allemagne attaquera l'URSS et qu'à partir du moment où l'Union soviétique, la Grande-Bretagne et son empire et les États-Unis formeront ce qu'on va appeler la Grande Coalition, qu'à partir de ce moment-là, ce ne sera plus qu'une question de temps avant que l'Allemagne s'effondre. Patienter. Cependant, ce qui va le décevoir, c'est qu'il croyait qu'à partir du moment où les Britanniques seraient bombardés, que les villes britanniques seraient bombardées par les Allemands, que ça allait émouvoir les Américains et que ça allait inciter le peuple américain à faire des pressions sur Roosevelt pour qu'il entre dans la guerre. Et là, il s'est un peu trompé. Pourquoi? Parce que le basculement de l'opinion publique américaine en faveur de la guerre survient qu'avec l'attaque japonaise de Pearl Harbor du 7 décembre 1941. Ouais. Décembre 1941, ça nous conduit également à un passage de Winston Churchill à la Chambre des communes à Ottawa. Écoutez cet extrait. Je le précise, c'est après justement ce grand virage de Pearl Harbor. Churchill qui s'adresse aux députés à la Chambre des communes à la fin de décembre 1941. Nous ne perdrons jamais la confiance que la France jouera le rôle des hommes libres et qu'elle reprendra par des voies dures sa place dans la grande compagnie des nations libératrices et victorieuses. Et ici, au Canada, où la langue française est honorés et parler, nous nous tenons prêts et armés pour aider et pour saluer cette résurrection nationale. Alors, on l'entend clairement, André Champagne, dans cet extrait. Encore une fois, c'est après Pearl Harbor. Les États-Unis mettent les machines en marche. L'heure est vraiment à l'optimisme. On l'entend. Churchill est maintenant convaincu que ce n'est plus qu'une question. Tout à fait. La France sera libérée. Oui, tout à fait. Et ce qui est intéressant, c'est le respect qu'il a pour le Canada. Pourquoi? Parce que Churchill est conscient de la contribution canadienne lors de la Première Guerre mondiale. Et ce qu'il sait également, c'est qu'à l'été 1940, et suite à l'effondrement français, suite au matériel que les Britanniques avaient laissé en France, que c'était les divisions canadiennes qui auraient pu affronter une invasion allemande. Donc, il sait à quel point la Grande-Bretagne aura besoin, des troupes canadiennes, mais surtout du matériel que le Canada pourra envoyer en Grande-Bretagne et, évidemment, l'approvisionnement alimentaire. Donc, on voit que Churchill pense en termes d'empire, en pense en termes de Commonwealth, parce que depuis 1931, ce n'est plus l'empire, c'est le Commonwealth. Oui. Mais c'est clair que pour lui, le Canada, l'Australie et la Nouvelle-Zélande font partie vraiment de la stratégie britannique. Mais dans quelle mesure ces pays, le Canada en l'occurrence, sont importants? Je vous pose la question parce qu'évidemment, il y aura ces grandes conférences de Québec qui vont passer à l'histoire. On a dit en même temps que la présence du premier ministre canadien, c'est à Québec que ça se passe, mais c'est un petit peu périphérique. Pour Churchill, encore une fois, sur ce thème canadien, dans quelle mesure, pour lui, le Canada est important? Il est important en ce sens que le Canada enverra quand même 400 000 soldats combattre en Europe. Le Canada participera à la libération d'Italie, participera à la libération de la France, la libération surtout des Pays-Bas. Lors du débarquement, une des plages est confiée aux Canadiens. Ce n'est pas rien. Ouais. Et puis aussi, pendant la bataille de l'Atlantique, les convois marchands canadiens ont joué un rôle extrêmement important. Les Canadiens ont participé aux campagnes de bombardement contre l'Allemagne. Donc, le rôle militaire canadien est quand même assez important et Churchill le reconnaît. Parlons, on a parlé un peu plus tôt, André, de la relation pas toujours harmonieuse entre De Gaulle et Churchill. Parlons de la relation entre Roosevelt et Churchill. Au départ, ça se passe relativement bien. Sauf que ce qui se produit, c'est que à partir du moment où la Russie commence à libérer son territoire et que la Russie a mobilisé ses troupes et son potentiel économique et que la Russie, surtout à partir de 1943, que la Russie finit pratiquement la libération de son territoire mais commence à entrer en Europe de l'Est, c'est sûr que pour Roosevelt, tout change. Pourquoi? Parce que Roosevelt est conscient que dans le monde de l'après-guerre, tout va se jouer entre Moscou et Washington. Mm-hmm. Et dès le début... Ce qui met un peu Churchill à l'écart. Et puis, ce qui se produit, c'est que dès le début 1942, Roosevelt fait savoir à Churchill que cette guerre-là signifie quoi? La fin des empires coloniaux. Et il fait savoir à Churchill que la Grande-Bretagne devra vraiment évacuer l'Inde et le Pakistan et évacuer son empire. Et pourquoi? Parce que pour lui, c'est une des significations de la guerre, c'est que c'est la fin des empires. Et là où vraiment ça devient problématique, c'est que Roosevelt est un peu naïf face à Staline. Il voit Churchill comme un impérialiste anglais qui veut maintenir l'Empire et il croit qu'avec son charme, qu'il peut parvenir à convaincre Staline de se comporter en gentleman. Il est convaincu que Staline n'est pas un impérialiste. Il est convaincu que les territoires que la Russie libère en Europe de l'Est, la Russie va tout simplement les évacuer une fois la guerre terminée. Alors que Churchill lui dit « Non, non, vous méprenez sur le personnage Staline. Staline veut étendre le communisme à l'ensemble de l'Europe de l'Est et possiblement même à l'Europe de l'Ouest. » Et c'est cette relation triangulaire qui change tout. Et dès la conférence de Téhéran, en novembre 1943, c'est clair que pour Roosevelt, le monde de l'après-guerre sera géré par Moscou et Washington. Mm-hmm. Et ça, évidemment, ça, encore une fois, ça veut dire mise à l'écart de Churchill dans l'équation. Il la remporte, cette guerre mondiale. Churchill, les alliés la remportent. Churchill, pourtant, André, Churchill, l'homme de la victoire, est défait. Et vaincu. Aux élections britanniques de juillet 45. Pourquoi? Pour une raison très simple, c'est que le peuple britannique aspire à l'État-providence, veut des programmes sociaux et que le Parti conservateur et surtout son chef, Winston Churchill, ce n'est pas l'homme apte à donner à l'Angleterre l'assurance maladie, nationaliser les chemins de fer, nationaliser les mines. Il n'est pas l'homme de la situation. On reconnaît le travail remarquable qu'il a accompli depuis 1940. Oui, mais en 1945, à l'été 1945, les Anglais, la classe ouvrière anglaise, aspire à une meilleure vie. Donc, c'est le leader travailliste, Clement Attlee, qui est l'homme de la situation, et Churchill est malheureusement défait. Mais quelque part, ça va le servir. Pourquoi? Parce que en 1947, l'Angleterre accorde l'indépendance à l'Inde et au Pakistan. Mm-hmm. Donc, Churchill n'est pas à la tête de la Grande-Bretagne au moment où l'Angleterre se défait de ce qu'on appelait le joyau de l'Empire britannique, en l'occurrence l'Inde. Ce qui, pour lui, est d'une tristesse infinie, parce que cet impérialiste voit l'Empire s'écrouler. L'autre truc qui va le surlupiné, c'est, puis on l'a un peu évoqué, mais ça a peur du communisme, mais c'est cette guerre froide qui s'en vient. Oui, cette guerre froide qui s'en vient. Et il était, bon, depuis 1917, il était obsédé par le communisme. Il avait même dit en 1918-1919 qu'il faudrait idéalement ériger un cordon sanitaire contre la Russie soviétique pour l'empêcher de s'étendre. Et au printemps 1945, il est tellement anticommuniste qu'il propose au président Truman de rallier des troupes allemandes vaincues pour continuer la guerre contre la Russie soviétique. Il va aussi loin que ça. Et aussi, à Yalta, il voit très bien que les Américains reconnaissent que Staline pourra établir vraiment un glacis sur l'Europe de l'Est, parce que Staline, ce qui fait comprendre à Roosevelt, à Yalta, c'est que les territoires libérés par l'armée rouge deviendront des territoires soviétiques, peu importe. Et aussi, en 1946, à l'Université Fulton, au Missouri, en présence du président Truman, il fait son fameux discours où il annonce que de Stettin sur la Baltique jusqu'à la mer Méditerranée, jusqu'à Trieste sur la Méditerranée, un rideau de fer est tombé sur l'Europe de l'Est et que derrière ce rideau de fer-là, les pays sont communisés. Les faits vont lui donner raison. Mais fait étonnant, au début des années 50, en 51, quand Sylvestre devient premier ministre, soudainement, il croit qu'il a une nouvelle mission, c'est-à-dire organiser une conférence au sommet entre Eisenhower et Staline pour les convaincre du danger que représente la guerre nucléaire. Et il croit qu'avec une diplomatie des sommets, comme Téhéran et Yalta, qu'il pourrait rejouer à nouveau un rôle important sur l'échiquier mondial. C'était le dernier adieu de Big Ben à Sir Winston. En effet, la reine-mère Elisabeth fera bientôt son entrée dans la cathédrale. Déjà, cette première fraction d'invités d'honneur dont on vous parlait tantôt a pris place à ses sièges, à leurs sièges respectifs. Le prince Heinrich du Liechtenstein, le prince Hassam bin Talal de la Jordanie, le prince Bertil de Suède, le prince Vossen. Churchill meurt donc le 24 janvier 65 à l'âge de 90 ans. André Champagne, face à ce géant, essentiellement, d'abord et avant tout, que doit-on retenir? Qu'il est l'incarnation de l'Angleterre victorienne, qu'il a grandi à une époque où l'Angleterre dominait le monde, l'âge d'or dans l'Empire britannique, qu'il a connu un parcours politique exceptionnel, mais l'histoire va toujours retenir de Churchill que Churchill, c'est l'homme du destin, c'est l'homme du 10 mai 1940 qui devient premier ministre au moment où l'avenir de l'Angleterre est compromis, au moment où il est envisageable de voir l'Angleterre envahie par l'Allemagne nazie. Et Churchill va incarner cet esprit de résistance-là. Et Churchill va devenir vraiment cet homme qui a dirigé la Grande-Bretagne de 1940 à 1945. Et étant donné sa gestion de la Grande-Bretagne au moment de la Deuxième Guerre mondiale, il est considéré et il continuera d'être considéré comme un géant dans l'histoire politique britannique du 20e siècle et probablement dans l'histoire britannique des siècles antérieurs. Donc, Churchill, c'est l'homme du destin. Et ce qui est étonnant, c'est qu'il avait anticipé, jeune homme, ce destin-là. En plus, en prime, on lui attribuera le prix Nobel de littérature pour ses souvenirs de guerre en 53. Quand même. André Champagne, merci beaucoup, André. Je vous en prie. Merci également à toute l'équipe d'Aujourd'hui l'Histoire, à la réalisation Mathieu Beauchamp, les recherchistes Caroline Morin et Marie Caillé, recherche d'archives Mario Bolduc, au site Internet Mathieu Arsenault, à la technique aujourd'hui Chantal Benoît. Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou en vous abonnant à notre balado-diffusion. Vous pouvez également nous suivre et nous écrire sur Facebook ou encore à l'adresse suivante histoire@radio-canada.ca. Ici Jacques Beauchamp, à la prochaine.